auteur pour toute personne qui va profiter de ses écrits. Et en fait, l'auteur, il va faire plusieurs doigts pour les personnes qui vont profiter de ses écrits. Et la première de ces doigts, c'est celle-ci, où elle dit je demande à Allah Azza wa Jal, Al-Karim, ma ma'na? Al-Kathir al-Khair, celui qui a énormément de bien. Taïb, Rabb al-Arsh al-Azim, an yatawallaka fi dunya wa al-akhira. An yatawallaka fi dunya wa al-akhira, c'est-à-dire, je demande à Allah Azza wa Jal, le Seigneur du trône, qu'il fasse de toi un allié dans ce bas monde et dans l'au-delà. Qu'il fasse de toi un allié dans ce bas monde et dans l'au-delà. Un allié de qui? Voilà, un de ses alliés. C'est de l'Iran, quand même. تكتبون الولي في اللغة والولي في اللغة هو المحب والصديق الولي في اللغة هو المحب والصديق الولي الذي سنوى الغراب سي بيان امي و لامي لو كوبان en ce qui concerne la linguistique des gens de l'Aqida, Al-Wali, هو المؤمن المتقي. Al-Wali, هو المؤمن المتقي. Le Wali n'est autre que le croyant pieux. من يحفظ دليلا على أن الولي هو المؤمن المتقي؟ كيسك يا رفيع يا مغزى دليل؟ sur le fait que le wali n'est autre que le mu'min al-muttaqi. C'est pas le fait de dire Allah inna awliya Allah inna khofna. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون نعم حسنت يا أخي الكريم فالله سبحانه وتعالى يدي سبحانه وتعالى الموجود فرسي في سورة يونس سورة يونس الله سبحانه وتعالى يدي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سخط Les alliés d'Allah n'auront sur eux ni peur et ne seront pas inquiétés. Ils ne seront pas inquiétés. Alladina amanu wa kanu yattaqun. Et ensuite, il te dit c'est qui ces gens-là qu'on appelle les alliés. Il te dit juste après ceux qui étaient croyants, ceux qui croyaient en Allah et qui. 62. Verset 62, surat Yunus. C'est ceux qui étaient croyants. Hein? Et qui faisait preuve de crainte. Non. Al-Wali, huwa hadha haqiqatan. L'allié d'Allah Azza wa Jal, c'est celui qui croit en Allah Azza wa Jal, qui croit en ses anges, qui croit en ses prophètes et ses messagers, qui croit au jour de la résurrection. Non. Et qui croit en tout ce que le Coran appelle. Et la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Non. ولكم الحديث المعروف الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب celui qui prend en inimité mon allié je lui déclare la guerre فأولياء الله عند الله لهم كرامات ولهم مقامات مقامات غير يسيرة. Donc les alliés d'Allah Azza wa Jal, ils sont élevés auprès de lui. Non. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il leur accorde une importance énorme. Il déclare la guerre à toute personne qui prend en inimitié l'un de ses alliés. Fumaqal, wala yazal wa ma taqarraba ilayya abdi bi shayin ahabbu ilayya mimma aftaradtu alayh. Et mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose plus aimable, ou par une chose que j'aime le plus, ou par une chose que j'aime plus que l'accomplissement des obligations. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya. Et mon serviteur n'a de cesse de se rapprocher de moi hatta uhibbu. Il n'a de cesse de se rapprocher de moi, bilawafil, en l'accomplissant des actes surrogatoires. Donc, l'allié, c'est celui qui se tient et qui est constant dans l'accomplissement des obligations et aussi qui rajoute des nawafil par rapport à ce verset, ce hadith. Qui rajoute des nawafil, des surrogatoires. Et plus il rajoute des surrogatoires, plus il se rapproche d'Allah jusqu'à ce qu'il atteigne l'amour d'Allah Azza wa Jalla. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Et Allah subhanahu wa ta'ala, une fois qu'il aime cette personne-là, خلاص, il devient son nuit par laquelle il entend. C'est-à-dire qu'il il facilite à cette personne-là de n'entendre que des bonnes choses. Des zikrs, du rappel, des rappels, l'évocation d'Allah, des fawaid ilmiya, du Qur'an, pour les dalles. Et sa vision par laquelle il voit. Et si Allah il aime cette personne-là, il va tourner son regard que vers des bonnes choses. Des bonnes choses. Kadhalik, s'il aime cette personne-là, il va tourner cet homme jusqu'à ce qu'il ne va pas toucher avec sa main ou prendre avec sa main des choses muharram, des choses interdites. Et sa jambe avec laquelle il marche, c'est-à-dire, il va le tourner vers des endroits, il va l'emmener à aller vers des endroits halal, ou des endroits de khayr, des endroits licites, ou des endroits de bien. Et il va le préserver d'aller vers des endroits muharram. Ça, c'est la fa'id. Fa'idat ta'at Allah azza wa jal. Ça, c'est une grande fa'ida du fait d'obéir à Allah azza wa jal. Et c'est pas tout. La plus grande des fa'idats, c'est que juste après, il dit « Wala in sa'alani la u'tiyanna » Et s'il me demande, alors certes, parce que là, dans le mot « la u'tiyanna » l'âme at-tawkid, wa nun at-tawkid, tout ça pour vraiment affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala, il va vraiment lui donner ce qu'il lui demande. C'est-à-dire cet individu-là, une fois qu'il a atteint le stade de la mort d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a juste à demander, il demande à Allah, Allah lui donne. Et s'il cherche refuge auprès de moi, alors certes, je lui accorderai refuge. Wadhi, saraha, fa'idatu, ou al-fa'idatu al-azima, min ta'ati Allah azza wa jal. Wal-ikthar, min dhikri, wa ta'ati. Donc ça, c'est vraiment le point à retenir pour une personne qui aspire à Allah Azza wa Jalla. Le fait de multiplier son adoration et multiplier les surrogatoires. Jusqu'à ce que la personne atteigne la mort d'Allah Azza wa Jalla. Wa hunaka du'a'un 'azim anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yaqul Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk وحب كل عمل يقربني الى حبك. Ô mon Seigneur, je te demande ton amour c'est le prophète, alayhi salatu wassalam. Et ce hadith-là, il est venu dans une longue histoire. C'est un rêve que le prophète, alayhi salam, il a vu. Et dans ce rêve-là, il s'est vu en train de dire cette invocation-là. Et à la fin du rêve, on fait savoir au prophète, alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire par la permission d'Allah, que ce qu'il a vu dans ce rêve, c'est un haqq. Donc cette dua-là, c'est un haqq, c'est une chose à demander. C'est une chose qui fait partie de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Allahumma inni as'aluka hubba. Oh mon Seigneur, je te demande ton amour. Wa hubba man yuhibbuk. Et l'amour de celui qui t'aime. Parmi les gens de la terre. Parmi les gens purs. Et je te demande l'amour de toute œuvre qui va me rapprocher de toi. Min awwali tawfiq al-'abd, tawfiq Allah li'abdi annahu yuhabbiba ilayhi al-iman wa ta'at wa sunan wa al-khayr wa al-'ilm والدعوة ونشر الخير والهجرة وكل ما كان من طاعة الله. C'est parti des premiers signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala il accorde au serviteur la réussite, le fait qu'il lui fait aimer dans son cœur tous les actes d'adoration. Il lui fait aimer la foi, la croyance, il lui fait aimer le tawhid, il lui fait aimer l'ilm, il lui fait aimer le fait d'appeler Allah Azza wa Jalla. علامة على أن الله سبحانه وتعالى وفق هذا العبد. نعم. فهذه دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب للسامعين أن يدع أن يتولاك في الدنيا والآخرة، لأنه قد علم أن الله إذا دعا لك وليا له نصرك وأيدك وماذا؟ وأذهب عنك الحزن والهموم. بس كده سيشير هنا شو؟ كسي الله سبحانه وتعالى يفيد توا. أنا لي يفسخت تسكبري في هذه الدنيا. يفسخت ديسيبي de toi tes soucis. Il va t'aider. في جميع شؤونك. Dans toutes les situations. نعم. ثم قال أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك مباركا أينما كنت والبركة تكتبون البركة معنا كثرة الخير ودوامه ولزومه كثرة الخير ودوامه ولزومه. البركة سي كوا؟ سي لا ملتيتود لابوندونس دو بيان. نعم لابوندونس دو بيان ainsi que la constance sa constance dans la chose, c'est-à-dire le bien il reste dans cette chose-là. تمام؟ قد مر معنا في درس الظهر حديث وذكر فيه بركة آل بيت أبي بكر. أي حديث؟ حديث التيمم. نعم آية التيمم. Le verset sur le tayammum, il est descendu par la cause de Aïcha. Lorsqu'elle a perdu son collier, elle a perdu son collier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cherché avec elle. Ce qui a maintenu ou ce qui a retenu la totalité de l'armée. Personne ne pouvait continuer le voyage. Et ils sont arrivés à manquer d'eau. Lorsqu'ils sont arrivés à manquer d'eau, certains compagnons sont venus se plaindre à Abou Bakr. Et c'est là qu'est descendu les versets de Tayammum. Hein, les versets de Tayammum. Un des compagnons qui s'appelle Sa'd ibn Hudayr, il a dit, ceci n'est pas la première de vos barakas. Ô gens de Oh, vous la famille d'Abou Bakr. Ceci n'est pas la première de vos barakas. Oh, vous la famille d'Abou Bakr. Bien. Parce qu'Abou Bakr, il est la cause de nombreux, de la descente de nombreux versets. Il est la cause de l'affranchissement de nombreuses personnes. Il est la cause, Kavalek, de la guider de nombreuses personnes. Abou Bakr. Il a guidé, il a été une cause de la guider de quel grand compagnon? Othman ibn Affan. Juste ça, hala yakfi. Naam. Fa al-baraka kathrat al-khair fi shay. Fa lamma yaqul al-imam an yaj'alaka waliyan an yatawallaka fi ad-dunya wal-akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunt, fahadha bima'na annahu yaj'alaka nafi'an li nafsik wa li ghayrik. Ça, ça a pour sens que il fasse de toi, et c'est comme s'il disait, il demandait à ce que Allah fasse de toi que tu sois utile pour toi-même et pour autrui. Et le fait d'être utile pour autrui fait partie des meilleures qualités du croyant. Fait partie des meilleures qualités du croyant. Voilà comme le hadith. Man wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhi. Wa hadith yani inna Allah fi hajati 'abdihi idha kana fi hajati akhi. Na'am. Hadith où le prophète Zemi dit certes, Allah vient en aide à son serviteur, si toutefois lui, il vient en aide à son frère. طيب هناك تنبيه هل يقال تبارك الله لما ترى شيئا حسنا يعني لا يا petit avertissement sur le fait de dire تبارك الله par exemple tu vois quelque chose de beau hein, ou quelque chose de bien et tu dis تبارك الله. Vous avez déjà entendu cette expression تبارك الله ou quelqu'un tu lui dis une chose qui lui plaît il dit تبارك الله هذا جيد ولا ليس بصحيح. الإمام ابن القيم يقول أما صيغة تبارك الله فمختص به سبحانه وتعالى. فلذلك تبارك الله ça c'est propre et purement pour Allah عز وجل. وتبارك الله أحسن الخالقين. Cette expression-là, elle est propre pour Allah Azza wa Jal. Et qu'est-ce qu'il doit dire la personne lorsqu'elle voit quelque chose de bien? Allahumma barak. Allahumma barak. Oh, barak Allahu alayk ou laka. Il doit faire la dua de la baraka. Et est-ce qu'il peut dire mashallah? Quand c'est sur quelque chose que lui il a, mashallah, comme dans Surat Al-Kahf, l'histoire. J'avais une parole de Cheikh Fawzan et détaillé ça comme ça. Jamil, Fayed Jamil. Jamil, voilà, nous sommes là, لا يصلح تقول ما شاء الله إذا تشوفه له خير تشوفه عن بيان chez ton frère ou quoi et tu dis ما شاء الله tu dis ما شاء الله pourquoi il n'y a pas de ni tu as fait dua pour lui t'as juste affirmé que c'est la volonté d'Allah donc tu l'as pas protégé de ton mauvais œil et toute personne il peut sans vouloir avoir un mauvais œil sur une chose. Mais le prophète, il a dit, lorsque les deux compagnons, un des compagnons, il a regardé son frère, c'est-à-dire son frère Philippe, et il a trouvé sa couleur de peau bien blanche. وكان يعني ذلك في عند العرب صفة الجمال صفة الجمال. Et la blancheur de la peau chez les Arabes c'est une صفه de c'est صفه de beauté. فلما نظر تعجب. Il a vu, il s'est étonné. Et tout de suite, le compagnon qui était regardé, il est tombé par terre. Ça va ? On est venu au prophète sallam pour lui évoquer la qissa. Et le prophète sallam, il a dit, « Lola barakta alayh. » Pourquoi tu n'as pas appelé la bénédiction sur lui ?« Akhadha min hadha ala annahu yajib. » إذا ترى شيئا حسنا عند أخيك أن تقول اللهم بارك أو بارك الله لك. تمام؟ إيه non pas que tu t'arrêtes à dire ما شاء الله. لكن الفائدة de موسى elle est جميلة. Dans le sens où d'après Cheikh Fawzan, il dit que tu dis ما شاء الله si c'est une chose qui te sur toi-même. Si c'est un bien, une chose que tu vois sur toi-même. Madame, tu vois que tu as un beau vêtement. Je dis, Masha'Allah. Alors, لكن هذه مسألة أخرى. Est-ce que la personne, elle peut se jeter l'œil à elle-même? On a dit toute mesaine. Est-ce que la personne, elle peut se jeter l'œil à elle-même? Est-ce que la personne, elle peut jeter l'œil sur une chose qu'elle ne voit pas directement, qu'elle entend? Elle entend maintenant, Fulan, il a acheté une maison à deux étages, Madrid, au Mali, ou là, un palais. Est-ce qu'elle peut lui jeter l'œil juste en entendant ce khabar? Non, je ne sais pas. Les gens qui ont été dans le hadith de Damas, ils ont dit le mauvais œil peut être. C'est-à-dire même sur une chose qui n'est pas mal'i, qui n'est pas vue, masmoul, qui est entendue. C'est pourquoi les askar amr al-muhim jiddan jiddan. Les askar amr al-muhim jiddan. Wallahu ya'lamu a'da'akum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît véritablement les ennemis de chacun d'entre nous. Il les connaît des tafsirs. يعني ما فهمت السؤال يعني. تدي سو الشوز بارك الله يعني سي تو وين شوز كي بيل شوز تابل لا بينيديكسيون الله سو سيت شوز. طيب وفي الآية ولا يستثنون بمعنى أنهم ما رجعوا هذا الخير لله عز وجل. أن هذا من الله عز وجل بمشيئته وبفضله. إنما احتسبوها من فضلهم المحض. والله تعالى أعلم. طيب طيب وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. يجي فاس دو توا une personne que si elle lui donne, elle remercie. Et la réponse, je jeter l'œil à soi-même, monsieur. Hein? Je jeter l'œil à soi-même, monsieur. La question sur le fait que, est-ce qu'on peut se jeter l'œil à soi-même? Ah, est-ce qu'on peut se jeter l'œil à soi-même? Non. On peut. Non. On peut se jeter l'œil à soi-même. Allez, Nsan, allez, Annie Barak, à la neuf. Comment il veut dire? Tandor, Zik. Je vais te Non, c'est pas une question de jalousie. Hein. C'est pas une question de jalousie. Oh, ouais, c'est pas une question de jalousie, c'est d'étonnement. Quelqu'un, مثلا, il fait de la muscu. Il se regarde dans la glace, il voit un muscle qui apparaît. صحيح إذا ما يقول بارك الله أو شيء من ذلك ربما لغاية غيز دفون سبب العين نعم بس صحيح أن العين مصيبة هذا الإنسان عليه أن يعمل بالأذكار ذكروا عن واحد كان مصاب بالسحر واحد كان مصابا بالسحر فأتى إلى بعض الرقاة مرارا وما شفي فذكروا له علاجا واحدا قالوا له علمه دعاء Ils lui ont enseigné une dua. Cette personne-là qui était malade, touchée de sihr, on lui a appris à faire une dua. Il a fait beaucoup de ruqya, il a fait beaucoup de ruqya chez des spécialistes, rien à faire. Son père, il a lu énormément sur lui le Coran, rien à faire. Son père, il a dit, « Ya boni, khalliq taqra le Coran, wa idha mutta, fanta ala khair. » Son père, il a dit, « Reste à lire le Coran, même si tu es touché de sihr. Car si tu meurs dans cet état-là, tu meurs à la khair. » Al-Muhim, il a essayé de combattre son âme, de lire le Coran autant qu'il a pu. Rien à faire. Il est resté dans ce hal-là pendant 2 ans. Un jour, on lui a conseillé de dire une invocation. Et on lui a dit, si tu l'as dit, c'est sûr que Allah va te guérir. Mais il faut que tu la répètes, Il a dit, subhanallah, à chaque fois que je lisais cette dua, je voyais que mon djinn, il m'étranglait. Je lui disais, je faisais le khabar. Comment ça, à chaque fois que je dis cette dua, yani, j'arrive pas à terminer, je fais des crises. Alors, il est resté comme ça, un petit moment. Un jour, il est pris d'une crise et il est au milieu de personne. Il dit quoi? Il dit khalas. Il s'éloigne des gens avec qui il est. Il dit aujourd'hui, je vais dire cette dua. C'est soit je la dis jusqu'à ce que je meurs, soit jusqu'à ce que je guéris. Ma fille, al-an, mais khalas. Il est parti, il s'est éloigné dans un endroit. Et il a répété cette dua. Il était presque au doigt de. Tellement ça le serrait à la gorge. Il était presque au doigt, à deux doigts de tomber dans les pommes. Et d'un seul coup, il a deux doigts tombés dans la pomme, il sent une explosion en lui. Wahas. Choufi. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, malaro, eïsé. On lui a demandé c'est quoi la dua. Il a dit La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulk, lahul hamd, lahul mulk, wa huwa ala kulli shay. وهذا من الأذكار صباحا ومساء 100 مرة و100 مرة 100 مرة في الصباح و100 مرة في المساء وهكذا نعم فالأذكار أمر مهم جدا ونلتفي بها الأذكار في هذا الكتاب الأذكار سي